Quand j'étais woke, non, j'suis speedy, j'prends même pas de coke. Business à Edgar, j'paye pour les jokes. J'assume mes erreurs, je toute la fumée. Dites à mes hops que je prépare. Casque à la lance comme les pompiers. Ouais, ouais, on sort l'échelle, on va les monter. Elle est belle comme Lisa. Ouais, ouais, ouais, mais elle pense pas qu'à la monnaie. Ouais, ouais, ça me donne envie de l'emmener au péninsula. Pas de ceci seul. J'ai coupé les coms. Appel sur ma ligue, capable de télécom. C'est mon domaine, c'est mon domaine. Valentine, Talia, Pretty Woman, Lola, Seya, Pretty Woman, Nabi, Sally, Pretty Woman, Solène, Hortense, Axel, Eugénie, ah. Valentine, Talia, Pretty Woman, Lola, Seya, Pretty Woman, Nabi, Sally, Pretty Woman. Génie. J'ai la gendarme, la fille du pilote, dernier étage. Elle a les menottes, j'aimais beaucoup, mais elle était un peu folle, elle a pleuré. J'ai chanté la soul, on mangeait des pizzas autour de la piscine, cellulaire off today. Pas de business, je promets la grande roue, on est dans la berline, taf dans la prod. Parfois elle en bobine, corps à Kim, sur ma vie, elle est coquine. Si je pouvais, je les aurais collectées, une par doigt, comme les pierres d'infinité. Timeline niquée, je retourne dans le passé. Tu captes pas, t'as pas vu son tarpé. Je me fais des films, alors que c'est elle qui taf dans le ciné, parfois elle en bobine. Ouais, j'ai coupé les coms. Appel sur ma ligue, capable ou télécom. C'est mon domaine. C'est mon domaine. Valentine, Talia, Pretty Woman, Lola, Seya, Pretty Woman, Nabi, Sally, Pretty Woman, Solène, Hortense, Axel, Eugénie, ah. Valentine, Talia, Pretty Woman, Lola, Seya, Pretty Woman, Nabi, Sally, Pretty Woman, Solène, Hortense, Axel, Eugénie, ah.